Le séminaire d'Asie-Pacifique par Internet se thème « Le général Kim Jong-un et la Corée d'aujourd'hui » a eu lieu du 8 au 10 janvier à Karachi, Pakistan, sous les auspices communs du comité préparatoire de l'Asie-Pacifique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017 et du comité préparatoire national du Pakistan. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont pris part des comités préparatoires internationaux des régions et des pays pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017, des personnalités de différents milieux de divers pays comme Pakistan, Népal, Bangladesh, Inde, Nouvelle-Zélande, Japon, Grande-Bretagne et Suisse. Les participants ont déposé une corbeille de fleurs devant les portraits souriants des grands hommes Pektusan avant de rendre hommage. Au séminaire, il y a eu le rapport de base. L'orateur a dit que Son Excellence Kim Jong-un est le grand homme politique, le commandant prestigieux incomparable et génie de création et d'édification qui opère la prospérité de la Corée par sa grande pratique révolutionnaire et que la promotion d'un nouveau grand homme Pektusan est la grande fierté et le bonheur infini non seulement du peuple coréen, mais aussi des peuples progressistes du monde. Après la lecture des lettres de félicitations envoyées par les comités préparatoires africains, américains et arabes, il y a eu les interventions. Les orateurs ont appelé le comité préparatoire de l'Asie-Pacifique et les comités préparatoires des pays à se tenir en tête pour mettre en œuvre l'appel du comité préparatoire international à célébrer 2017, année très significative pour le peuple coréen, avec les peuples progressistes et prix de paix et de justice. On a lu ensuite le programme d'action du comité préparatoire de l'Asie-Pacifique pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pektusan 2017. Selon le programme, on organisera au niveau régional et national des cérémonies variées à l'éloge des grands hommes Pektusan qui ont contribué à la cause d'émancipation du monde pour ainsi manifester la vénération infinie des peuples progressistes du monde envers eux. On livrera davantage les activités de solidarité pour soutenir la juste cause du peuple coréen qui maintient la ligne de réunification du pays précisée par les grands hommes Pektusan et accélère vigoureusement l'édification d'une puissance réunifiée. On fera une contribution pour que le 5e festival international en l'honneur des grands hommes Pektusan se déroule en grande pompe comme une grande réunion internationale. Finalement, les participants ont adopté une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.